Yeah. Tous les jours tu me souhaites le malheur. T'as toujours eu peur que je m'en aille ailleurs. Je te disais jamais, jamais, jamais. Quand t'étais la seule que j'aimais. Non, arrête, c'est pas de ma faute. Qui es-tu aujourd'hui? Cette question me taraude. Depuis je t'ai regardé de loin faire ta route. Car t'étais la seule que j'aimais. Je suis désolé de t'apprendre que j'en aime une autre. Désolé de t'apprendre que tu n'es plus celle que j'appelais. Penser que je suis ton âme sœur. Si je t'ai pas négligé, c'est parce que j'ai un cœur. Et parce que t'étais la seule que j'aimais. En tout cas, je te souhaite tout le bien que je souhaite à ma sœur. T'inquiète, je sais, je n'attends pas que tu me renvoies à l'ascenseur. Je sais pas si tu me crois, mais je t'assure, je suis sincère. Quand je te dis que t'es la seule que j'aimais. Je suis désolé de t'apprendre que j'en aime une autre. Désolé de t'apprendre que tu n'es plus celle que j'appelais. Désolé de t'apprendre que j'en aime une autre. Désolé de t'apprendre que je ne suis plus celui que t'appelais.